France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Berlin, c'est avant tout une ville qui ne ressemble à aucune autre. Berlin, premier épisode, la capitale de la Prusse. Cette carte ne me satisfait pas. Bon, vous n'y êtes pour rien, messieurs les géomètres. Votre travail est sans reproche. C'est le mien qui n'est pas achevé. La Prusse que m'a légué mon père n'était qu'une série de pays séparés et entrecoupés. Mon travail de roi est de les recoudre. Et d'en faire un seul pays. À l'ouest, je ne peux rien faire. La France surveille jalousement le Rhin et le Hanovre est à l'Angleterre. C'est donc vers l'Est qu'il me faut travailler. L'année même de mon avènement, je suis entré en Silésie par deux fois et j'ai conquis ces territoires. Là, sans souci, je suis en paix, mais la guerre viendra m'y rejoindre et je l'accueillerai. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On aura reconnu le point de vue à 360 degrés de Frédéric II, le vieux Fritz, pour lequel notre invité a beaucoup d'admiration. C'est François Carotret, bonjour. Michel Carotret, bonjour. Parce qu'on disait que votre nom était breton en écoutant le reportage de Mathieu Vidard sur Ouessant, et du coup j'en ai oublié votre prénom. Bonjour. Le vieux Fritz, c'est Frédéric. Absolument. C'est un surnom. C'est un surnom, ah ouais. Alte Fritz. Vous avez publié une belle histoire de la Prusse au début de ce millénaire, et puis... Il y a très longtemps, dans l'autre millénaire, le précédent, vous en avez enseigné à Berlin. J'ai passé 2 ans, en effet, enseigné au lycée français de Berlin dans les années, la fin des années 70. Vous avez noté que Frédéric II, parlant à des géographes, se plaignait de l'indétermination géographique de la Prusse, qui a connu, parce que votre livre est orné de beaucoup de cartes, plusieurs configurations géographiques. Tout à fait, c'est la caractéristique même de la Prusse, d'être, de ne pas avoir d'enracinement précis comme la France ou l'Espagne peuvent en avoir un, et d'être le produit d'une série de hasards en partie, avec cette forme caractéristique, une sorte d'aigle à deux ailes, une aile gauche qui allait jusqu'au Rhin et une aile droite qui allait jusqu'à au-delà de la Vistule, jusqu'au Niémen, et qui fait quand, et tout ça n'étant pas compact et ayant beaucoup de trous, et c'était d'où l'obligation de remplir ces trous et de rendre compact, d'arrondir, comme on disait à l'époque, le territoire. Alors Berlin reste quand même la capitale, quelle que soit la configuration, au cœur du Brandebourg, qui est un état moyen, et qui est un état, comment on va dire, Robert Minder, professeur au Collège de France dans un instant, c'est un état avec un fond ethnique slave. Oui, on dit quelquefois la Germania Slavica pour décrire la Prusse, à l'opposé de la Germania Romana du Rhin ou de la Germanica du centre. En effet, le peuplement était largement slave. En réalité, au départ, les Slaves et les Germains sont allés et venus, tantôt les uns plus à l'ouest, tantôt les autres. Il y a eu une colonisation au Moyen-Âge et le Margraviat de Brandebourg est le produit de cette colonisation aux dépens des Slaves. Voilà, ça commence au XIIe siècle. Ça commence à la ville de Brandebourg, d'ailleurs, qui a donné son nom, et Berlin ne devient capitale qu'au XVe siècle. Et Berlin naît au XIIIe. Alors la ville même, en effet, les premières mentions, on ne sait pas trop, mais les premières mentions, c'est une petite ville commerçante sur la Spree, vers 1230 à peu près, les premières mentions qu'on en a. Une ville, dit Robert Minder, à peine, parce qu'il a fallu l'installation des Hohenzollern, qui venaient du sud-ouest de l'Allemagne, du château de Souabe. Alors il y a le château Souabe, en effet, mais entre-temps, il y avait eu le margraviat de Nuremberg. Donc quand il est venu, quand le premier Hohenzollern vient à Berlin, il arrive en fait de Nuremberg, il est burgrave de Nuremberg. Par bon et rebond, il arrive... Voilà, dans le Brandebourg. À l'origine, il y a une famille noble de l'Allemagne du Sud, les Hohenzollern, dont le château se dresse aujourd'hui encore dans le Wurtemberg. Ils deviennent margraves de Brandebourg en 1415. Le pays, une plaine sablonneuse, pauvre en ressources, la population rude, sobre, travailleuse. Le fond ethnique est slave. Des colons venus de diverses régions d'Allemagne, de Hollande aussi, s'y mêlent au cours du temps. Berlin, simple village de pêcheurs, devient une bourgade et restera une bourgade pendant des siècles. Enfin, bourgade, c'était quand même un comptoir de la Hanse, mais enfin, passons. Alors, il y a des titres qui nous font rêver. le margrave va devenir électeur. Oui, alors le margrave, bon, c'est un des titres, ça veut dire la marche, c'est la région frontière de l'Allemagne, donc les margraves, au contact justement des Slaves, et il devient électeur lorsqu'on décide pour un peu organiser l'élection de l'empereur, que sept personnes seulement auront ce monopole, trois ecclésiastiques et quatre laïcs, et parmi les quatre princes territoriaux, il y aura le margrave de Brandebourg, qui est le plus pauvre, le plus modeste entre eux, mais enfin c'est une... Oui, mais son apanage va augmenter au XVIIe siècle, parce que vous parliez de deux ailes. Il va devenir aussi duc de Prusse. Voilà, ça c'est le hasard. Et la Prusse, c'est quoi d'ailleurs ? Alors la Prusse qui a donné son nom à l'État par la suite, c'est la Prusse à l'origine, c'est la région de Königsberg. C'est un État très original, fondé par des chevaliers qu'on appelle les chevaliers teutoniques, hein, qui sont à l'origine venus de Terre Sainte et qui se sont établis dans ce territoire qui était à conquérir sur d'autres païens. Donc au départ, c'est une croisade. Les chevaliers teutoniques sont des croisés qui vont christianiser avec le glaive les peuplades lituaniennes qui sont là. Et le duché de Prusse est l'héritier avec beaucoup d'avatars des chevaliers teutoniques. Il est réuni avec l'électorat de Brandebourg et l'électeur va devenir grand électeur, avec un G majuscule et un E majuscule. Là, alors, on est au milieu du XVIIe. Voilà, alors c'est le grand électeur, c'est pas un titre officiel, hein, c'est une, comme on dit, Napoléon le Grand ou Frédéric le Grand. C'est-à-dire que c'est pour reconnaître le brio avec lequel il a géré ses États après la guerre de 30 ans, en deuxième moitié du XVIIe siècle. Et il l'a géré avec une alliance avec la France, parce qu'il commençait à avoir une position intéressante aux yeux de Versailles, qui disait, bah, face aux Habsbourg, l'Empire d'Autriche, face à la Suède, très belliqueuse à l'époque, ce petit État moyen peut être un allié. Absolument, c'est un peu la tradition française de chercher une alliance de revers, comme on dira plus tard, aux dépens de l'Allemagne, ou à l'occurrence des Habsbourg. Alors ça a été longtemps la Suède, en fait, l'allié de revers, c'est la Suède, et le Brandebourg se révèle, à mesure qu'il progresse en puissance, peut-être un atout supplémentaire. Avec ce problème quand même que le Brandebourg et la Suède sont des adversaires. Donc c'est pas toujours facile pour Versailles d'arriver à gérer ces deux partenaires. Et puis il y a un problème pour l'alliance entre Brandebourg et Versailles, c'est que Versailles est catholique. Et alors, le grand électeur, il est protestant, il est calviniste, il est luthérien, ou alors il est les deux à la fois? Oui, là, c'est compliqué aussi. Si, mais c'est également fondamental dans l'histoire de la Prusse. Bon, la réforme luthérienne a concerné la Prusse comme tout le monde, comme toute l'Allemagne, enfin une bonne partie de l'Allemagne au milieu du XVIe siècle. Mais par la suite, l'électeur de Brandebourg s'est converti, ça c'est une originalité, s'est converti au calvinisme. Et alors que son peuple, on n'a pas appliqué le fameux principe cuius regio et ius religio, lui s'est converti personnellement et les sujets sont restés luthériens. Et ça a été peut-être à l'origine de cette tolérance qui caractérise très souvent l'histoire de Prusse et dont Frédéric II sera l'incarnation. Mais restons grand électeur, si vous le voulez bien, et à 1685, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, la persécution des protestants est déclenchée par Louis XIV, le grand électeur se souvient qu'il est avant tout protestant et va offrir l'hospitalité aux huguenots français. On entendait Robert Minder, vieux maître des études germanistiques, Pierre Berthaud maintenant. Le contemporain et allié de Louis XIV, le grand électeur, fait de Berlin une base militaire. Les immenses et coûteux travaux qui ont duré de 1658 à 1683 paraissent avoir été financés entièrement par la France. La France qui avait alors avec le Brandebourg un traité d'alliance et en cas de guerre, la base de Berlin devait être mise à disposition de l'armée française. Le grand électeur sut aussi attirer à Berlin par l'édit de Potsdam de 1685 7 à 8 000 huguenots français qui avait dû s'expatrier à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Au début du XVIIIe siècle, un cinquième de la population de Berlin était d'origine française. Alors ces huguenots, ils vont se disperser dans l'armée, dans des fonctions de cour. On n'imagine pas ça, maître d'escrime, maître de danse. Hein. Et puis l'artisanat. Voilà, vous l'avez bien résumé. J'ai résumé l'histoire de la Prusse. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une catastrophe pour la France et c'est une chance énorme pour le Brandebourg que l'arrivée de ces huguenots, à peu près 20 000, 15 à 20 000, on ne sait pas exactement, 20% de ceux qui ont quitté la France. Et l'électeur leur donne, par l'édit de Potsdam, les accueille très généreusement avec beaucoup de facilité. Et au moins la moitié vont s'installer à Berlin. C'est décisif, pensez-vous? Pour l'industrie, en tout cas. C'est décisif dans beaucoup de domaines, peut-être même pour la civilisation tout court, parce que c'était des gens relativement quand même encore mal dégrossis, et tout d'un coup la civilisation française, les habitants du Brandebourg. Ouais. Ouais. Et donc tout d'un coup, on voit en effet apparaître les fonctions de cour, on voit des militaires très bien entraînés, on voit des officiers, 20% des officiers seront français à un moment donné, on voit apparaître des artisans, du luxe, enfin toutes sortes de métiers, de la mode, et puis l'agriculture, les asperges, les artichauts, les asperges si importantes aujourd'hui à Berlin sont venues à ce moment-là, les artichauts, enfin toutes sortes de le verre à soie, toutes sortes de choses qui étaient inconnues et qui ont modelé quand même la civilisation berlinoise. À l'époque du grand électeur et de son successeur, Berlin va s'élargir urbanistiquement aussi. Le grand électeur, allez, c'est un changement de titre encore, devient roi. Alors pas lui, mais son fils, oui, tout à fait. 1701. 1701, le fils de Frédéric III, qui était l'électeur, devient Frédéric Ier, roi de Prusse, couronné à Königsberg. Comme Napoléon, il se pose lui-même la couronne sur la tête pour bien marquer qu'il ne doit rien à personne, mais il est roi. Il n'est pas roi en Brandebourg, parce qu'on est dans l'Empire allemand, il peut pas y avoir d'autre roi que l'empereur. Il est roi en Prusse, à l'extérieur. En Prusse, pas de Prusse, en Prusse. Au début, on a soigneusement gardé la formule, après c'est devenu roi de Prusse, mais c'est bien parce que c'est pas dans l'Empire. C'est d'ailleurs sous son règne que commence à apparaître le surnom de Berlin, la Nouvelle Athènes. Oui, alors parce qu'en effet, c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire de la Prusse, c'est ce côté, cette dualité du militaire qu'on va voir se développer au XVIIIe siècle, et en même temps de la culture. On parlera d'Athènes sur l'âge pré, comme on parle de Sparte sur l'âge pré, il y a les deux en même temps. Et sous le grand électeur, beaucoup de constructions, sous son fils également, et puis ça va continuer encore plus, évidemment, sous Frédéric II. Alors, le grand électeur, le premier roi, le roi sergent, Frédéric II, 1740-1786. C'est pas naturel, au fond, cet état. Il faut que tous les ressorts de la volonté humaine soient tendus, et Frédéric II les tend. Oui, alors il a mis ses pas un peu dans ceux de son père, hein, puisque le premier qui a vraiment, déjà le grand électeur a créé un état absolutiste à l'exemple de Louis XIV. Son fils a vu plutôt les aspects dépensiers de la cour, mais le petit-fils, le roi sergent, qu'on a surnommé roi sergent, a mis tous les moyens de l'état dans l'efficacité, c'est-à-dire constituer une armée, constituer une administration, créer les bases de ce que Frédéric II a utilisé ensuite si brillamment dans sa politique militaire et extérieure. Primat de la politique extérieure sous Frédéric II, qui lui permet d'étendre beaucoup la Prusse. Berlin devient capitale d'un État très étendu à l'Est et à l'Ouest. Oui, c'est ça. Donc, si on compare, on triple pratiquement la population du pays entre 1740 et puis la fin du règne. Il y a d'abord la conquête de la Silésie, qui est scandaleuse d'une certaine manière. C'est la première fois qu'on rompt la paix dans l'Empire. Et puis après, aux dépens de la Pologne, les partages de la Pologne surtout, et puis quelques petits arrondissements encore supplémentaires. Puis il est le vainqueur de la guerre de 7 ans. Alors voilà, il arrive à tenir tête tout seul, petite Prusse, face aux grandes puissances de l'époque, Russie, Autriche et France, coalisées contre lui. Seule l'Angleterre le soutient, mais l'Angleterre est un peu loin, et il arrive à tenir tête au prix c'est un coût humain énorme, mais en fait, il sort vainqueur, en effet, de cette guerre. Et puis, il va bénéficier d'un nouveau partage de la Pologne à la fin de son règne. Alors, les souverains passaient souvent d'un château à l'autre, et lui, il avait un goût pour 100, virgule, souci, point, virgule, point. Oui, alors c'est amusant cet épisode. Sans souci, c'est ce petit château de plaisance qui s'est construit à Potsdam. Et on est étonné quand on lit le nom de ce château inscrit dans la pierre de voir 100, virgule, souci, point. Alors l'explication qu'on en donne généralement, qui est assez piquante, c'est que ça voudrait dire 100, virgule, c'est-à-dire 100 petites verges, si on peut dire les choses comme ça, point de souci. Frédéric avait quelques problèmes avec sa virilité suite à un accident, paraît-il, et il se serait amusé à inscrire ça dans la pierre. Ça, on reconnaît bien l'esprit impertinent du roi. Il avait rêvé d'être enterré avec ses levrettes sur la terrasse de Sans Souci, qu'il ne retrouvera que très tardivement après la réunification allemande. Antoine Speer en compagnie de l'historien de la Prusse, Rudolf von Tadden. Alors, Monsieur von Tadden, nous sommes ici à Sans Souci, dans le château du grand roi Frédéric. On peut dire que c'est ici, d'abord, que Monsieur Kohl a ramené les cendres de Frédéric. Alors, pour vous, c'est un lieu important. C'est le summum de l'histoire prussienne. Oui et non. Alors, évidemment que le grand Frédéric était le plus grand roi de Prusse. Là, il n'y a pas de doute. Il y avait donner le rang de grande puissance à la Prusse. Rudolf Antaden, c'est étonnant parce qu'on pourrait penser à un tombeau baroque. Or là, nous avons une pierre presque nue avec juste une petite rose rouge et un petit bouquet d'un cyclamen rose sur le côté de la tombe. Je trouve cette esthétique absolument pas prussienne. Frédéric était très ascétique. C'était pas un Louis XIV, n'est-ce pas? C'était pas. Bah, il a pourtant voulu refaire Versailles, sans souci. À moitié. C'est pas une copie de Versailles. Il y a autre chose. C'est une autre conception de l'État. Louis XIV a dit « L'État, c'est moi ». Frédéric II a dit « Je suis le premier serviteur de l'État ». Ce n'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas ? Vous avez déjà les éléments de cette éthique prussienne, n'est-ce pas, qui met tout au service de l'État. Déjà des éléments de tolérance, déjà des éléments de, comment dire, de compréhension de l'autre. Enfin, il y a plusieurs traditions prussiennes. La tradition prussienne dont ma famille se réclamait, c'était la tradition protestante. Vous pouvez presque parler d'une internationale protestante, n'est-ce pas ? C'est la tradition d'une société qui ne voulait pas se renfermer sur elle-même. Si on compare Berlin à une pyramide, Michel Carotrey, il y a plusieurs pentes. Alors il y a la pente, la discipline dans l'armée, l'esclavage pour les paysans. Tout à fait. Et puis il y a une pente, les lumières, la tolérance, l'accueil des huguenots, la disponibilité aux idées nouvelles, l'ouverture. Il y a plusieurs pentes. Oui, c'est un peu une constante dans l'histoire de la Prusse, cette dualité. C'est ça qui est à la fois étonnant et en même temps sympathique également. C'est qu'il n'y a jamais une image, on a une image souvent négative de la Prusse à cause du militarisme prussien. On a identifié la Prusse au militarisme. Et c'est vrai que, à côté de Sparte, il y a eu Athènes. À côté de la militaire, il y a eu le droit. À côté de la dureté, qu'on trouve souvent, il y a aussi une espèce de tendresse qui s'incarne, par exemple, dans un auteur comme Fontane, qui est trop peu connu, mais qui est l'auteur des Fibristes. Et c'est un roman bouleversant. Mais en même temps, il y avait ce caractère impitoyable de l'autorité en parallèle. Cette dualité est une constante prussienne. Je parlais de votre affection, Michel, qui a retrait pour le vieux Fritz. Parce qu'au retour de la guerre de 7 ans, il va s'enfermer à Sans Souci dans quelques pièces délabrées et vous le peignez courbé sur sa flûte, parce qu'il prend des leçons de flûte tous les jours, courbé sur son bureau, courbé sur son cheval, traversant la ville, dans le respect général d'ailleurs. Oui, c'est très émouvant, c'est un peu pitoyable en même temps. C'est vrai qu'il a pas, il a beaucoup vieilli après la guerre de 7 ans et il ne jouit pas du pouvoir. C'est pas Louis XV, il est contemporain de Louis XV et c'est une toute autre conception. Il se sacrifie, comme l'a dit très bien von Taden, il est le serviteur de l'État et il sacrifie ses plaisirs personnels. Il a aucun luxe, il a pas de, les voyageurs constatent qu'il y a des brins de tabac sur son habit qui est pas changé. Il y a un serviteur qui est à côté de lui, mais il ne le réveille pas si lui a besoin de quelque chose de la nuit, il attend que le serviteur. C'est une personnalité vraiment intéressante. Par ailleurs, il a fait des choses très contestables, mais c'est vrai qu'humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Et puis, c'est beau d'imaginer un homme qui continue d'économiser pour le bien du royaume, alors qu'il sait que son successeur, le neveu, dilapidera tout en peu d'années. Et puis, on parlait de la flûte. Il a protégé Karl Emmanuel Bach. Et puis, l'offrande musicale avec Jean-Sébastien Bach, il a un rapport avec cette œuvre en particulier ? Je crois qu'elle a été jouée pour lui, si je me rappelle voilà. Bien. Elle était... C'est marqué dans votre livre. Histoire de la Prusse, c'est aux éditions du Seuil, je vous le rappelle. Excellent. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. C'était au clavecin Terence Charleston et c'est au micro Michel Kerotret, notre thème, Berlin, capitale de la Prusse. Eh oui, c'est facile, rapide, de dilapider un héritage. Enfin, le successeur de Frédéric II va laisser des bâtiments peut-être plus séduisants que ceux qu'avait fait construire Frédéric II, qui sont légèrement froids. Oui, alors il a surtout construit la porte de Brandebourg, hein, ce qu'on sait le successeur. Le successeur, je parle du successeur, Frédéric Guillaume II, donc qui a en effet beaucoup dépensé. Il a construit aussi le Belvédère, par exemple, à Charlottenburg. Mais la porte de Brandebourg est restée le monument le plus célèbre de Berlin et dû au prince peut-être le plus décrié, au roi le plus décrié de l'histoire de Prusse. Ah bah, je sais pas si nos auditeurs suivent bien la succession. Le successeur du successeur de Frédéric II, Frédéric Guillaume III, il a été un moment aussi décrié parce que le quadrige au sommet de la porte de Brandebourg a été enlevé par Napoléon Ier. Et ce roi, il avait tenté de maintenir longtemps la neutralité, il n'y était pas parvenu en 1806. Son armée a été balayée par Napoléon, qui va occuper et prélever beaucoup de trésors à Berlin. Nous sommes au moment fatidique de l'automne 1806. La défaite d'Iéna produit un choc sur la population. Les gens s'assemblent pour lire les dernières dépêches. Des hommes se prennent la tête entre les mains, des femmes pleurent, d'autres s'essuient les yeux, des enfants hurlent de peur. La panique passe sur les visages de ceux qui lisent l'ordre du jour dramatique que le comte von Schulenburg, gouverneur de Berlin, a fait afficher sur les murs de la ville au petit matin du 18 octobre. Le roi a perdu une bataille. À présent, le calme est le premier devoir des habitants. J'y invite les habitants de Berlin. Le roi et son frère sont vivants. Berlin, le 17 octobre 1806. Napoléon a failli éradiquer la dynastie Hohenzollern. Oui, on n'est pas allé tout à fait jusque-là, mais il le dit. Mais Napoléon dit parfois des choses un petit peu de manière éruptive. Mais il a enlevé la moitié de ses états, en effet, à Frédéric Guillaume III. Et avec l'obligation de payer un tribut alors que les ressources de l'état étaient fortement diminuées. Oui, il a en effet demandé beaucoup d'argent, sans doute de manière excessive par rapport à l'état. Et ça nourrit un peu le ressentiment prussien qu'on retrouvera malheureusement après 1815. Et après 1870, alors là je fais une comparaison avec la situation psychologique des Français. C'est après la défaite de 70 et après la défaite de 1940. On a beaucoup réfléchi après 70 et après 1940 à la manière dont la Prusse s'était redressée. Aussitôt la défaite accomplie. C'est vrai qu'il y a une sorte de miracle prussien qui est dû encore une fois en partie à la chance quand même, parce que les erreurs de Napoléon y ont contribué, et puis la Russie beaucoup également. Mais c'est vrai que le redressement a été spectaculaire. En 1806, la Prusse est pratiquement rayée de la carte. En 1815, elle est une des premières puissances de l'Europe. Le roi de Prusse est à Paris. Il récupère leur quadrige, hein, qui revient à Berlin après avoir été enlevé par Napoléon. Et c'était une leçon un petit peu qui a été méditée en 1870. Ils ont fait leur autocritique ? Les Prussiens ont fait leur autocritique, oui. Réformer profondément. Voilà, l'administration. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle les réformes prussiennes de Stein et Hardenberg, les deux ministres, qui étaient tirés la leçon du retard qui avait été pris. Parce que le progrès, souvent, engendre des retards ultérieurs. Frédéric II, c'était si bien, c'est une sorte de modèle parfait, donc on n'y a plus touché. Mais pendant ce temps-là, le monde évoluait et la Prusse s'est trouvée en retard par rapport à la France. Quand Napoléon enlève plusieurs territoires à la Prusse, il enlève l'université de Halle, parce que c'était le grand centre intellectuel de la Prusse. À quelque chose malheureux, bon, en 1810, Berlin va se doter d'une université. C'est très important pour l'histoire de Berlin. Ça, c'est tout à fait juste de dire ça. En effet, c'est Humboldt, qui est le grand ministre de l'éducation, qui a fait ça. La Prusse n'avait jamais eu d'université centrale. Elle avait plusieurs universités, comme elle était faite de pièces et de morceaux, comme on l'avait dit. Il y en avait une à Halle, il y en avait une à Francfort sur l'Oder, il y en avait encore d'autres. Et là, du coup, on en crée une à Berlin, qui est aujourd'hui toujours très vivante, ce qu'on appelle aujourd'hui la Humboldt Universität, qui est au centre sur Unter den Linden, qui est la grande université, avec la Freie Universität, qui est à l'ouest. Et c'est un héritage, en effet, de la vieille Prusse. Ce roi des faits va régner longtemps et va connaître un moment d'exaltation, parce que en 1847-1848, l'Allemagne, de plus en plus, commence à se tourner vers Berlin. Et imagine que Berlin puisse devenir non seulement la capitale de la Prusse qui a retrouvé ses territoires, et même au-delà, mais la capitale de l'Allemagne. Oui, alors là, on n'en est quand même pas tout à fait encore là au début, parce qu'il y avait toujours l'Autriche qui voyait ça d'un très mauvais œil. Donc, il n'est pas du tout question de ça au début. Simplement, en effet, Frédéric Guillaume III meurt en 1840, et puis son successeur, Frédéric Guillaume IV, devient le roi, un roi très conservateur, qui ne donne pas cette constitution que les Prussiens attendent, qui a été promise et qui n'arrive pas. On fait beaucoup de promesses pour battre Napoléon, et on les a pas tenues, d'où l'ébullition progressive, qui joint à l'industrialisation, l'afflux de beaucoup de gens, l'abolition du servage qui entraîne un exode rural massif. des ouvriers très mal payés, une misère humaine à Berlin, se réunissent pour provoquer 1848. Alors, qui était à la fois une révolution ouvrière et une révolution politique. Insistons sur les usines, on en a dit un mot quand elles ont commencé au XVIIe siècle, mais la première moitié du XIXe, c'est une époque de révolution industrielle à Berlin. Oui, Berlin. Dans le cœur même de la ville. C'est vrai, et c'est ça aussi une caractéristique de Berlin, c'est que les usines se sont tout près du centre-ville. Et on voit les fumées des usines, Borsig notamment, quand on est à côté du château. Il y a ça devient une ville industrielle. On a Feuerland, on a quelquefois appelé la ville du feu, quoi, le territoire du feu. Cette chanson témoigne des événements de 1848, de la réunion d'un parlement au niveau allemand. Ça va échouer. De l'agitation ouvrière, cette chanson doit d'ailleurs venir de ces milieux ouvriers. Malgré tout, malgré que le Parlement ne va pas réussir, malgré tout ça, on va parvenir à une émancipation. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem. Die nimmt man uns sacht wieder ab, samt Pulverblei und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem, wir werden unsere Büchsen los, Soldaten wild, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem. Moment très important, 1848, on ne va pas insister sur celui qui suit, 1866, 1870, l'unification allemande sous l'égide du roi de Prusse qui devient empereur d'Allemagne. J'aimerais, pour finir, plutôt que d'insister sur la défaite française, que vous nous disiez qu'il y avait quand même peut-être une partie de l'Allemagne qui ne voulait pas de la Prusse comme modèle et qui détestait autant la Prusse que la France, quoi. Oui, c'est pas complètement faux. Toute l'Allemagne du Sud, la Bavière pour commencer, le pays de Bade qui avait beaucoup souffert en 49 des exactions des soldats prussiens n'était pas vraiment très chaud, mais ils avaient conclu une alliance défensive avec la Prusse et Napoléon III a commis l'erreur d'attaquer. Et donc ils étaient obligés de soutenir la Prusse et le processus a continué comme ça. Mais on peut ne pas aimer la Prusse et accepter que Berlin soit la capitale intellectuelle. Oui, alors ça, c'est depuis longtemps, elle l'était. Ça, il y avait toujours Vienne quand même, hein, mais c'était l'une des deux grandes capitales de la musique, de l'intelligence. Et avec l'université, c'était gagné. C'est devenu la seule capitale intellectuelle. Vous faites référence dans votre histoire de la Prusse aux éditions du Seuil, Michel Kerotret, à une grande exposition, à une série d'expositions qui ont eu lieu en 1981, des deux côtés Est et Ouest, qui ont préfiguré déjà l'unification de Berlin et de l'Allemagne, dont on reparlera au long de la semaine. À l'époque, le bourgmestre, c'était Weizsäcker, qui deviendra ensuite président de la République, et qui résume très bien dans son discours d'ouverture ce que nous avons tenté de dire pendant toute cette émission. Richard von Weizsäcker. Aucun État allemand n'est le successeur de l'ancienne Prusse. L'existence de la Prusse appartient au passé. Cependant, les idées qui faisaient vivre la Prusse et nos relations avec elle sont restées vivantes. C'est ce que va nous montrer cette exposition et celles à venir. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter d'une dispute au sujet de la Prusse. Cette exposition est un nouveau signe qui montre la nécessité de se confronter en esprit à notre propre passé. Entre l'Ouest et l'Est, c'est un signe d'appartenance commune. Revendications de propriété et accusations ne constituent que le premier plan de la discussion. Derrière se cache le fait que la Prusse, en tant que symbole de l'histoire, continue à opérer au-delà des frontières. La Prusse, en tant que symbole de l'histoire, continue à opérer de part et d'autre de la frontière. Est-Ouest. Merci à vous, Michel Kerotret. Grâce soit rendue à Linka Negulesco qui a préparé cette émission avec Nathan Gallo, Juliette Gou à la réalisation, Maxime Ingrand à la technique. Et voici le retour De Fabrice Drouel. Bonjour Fabrice Drouel. Je ne prends pas tout à fait parti la semaine dernière. Ah bah, votre barbe a beaucoup poussé quand même. Oui, ouais, voilà. Ouais. Entre je le dis ça hein, pour ceux qui n'ont pas d'image. Alors, c'est quoi le sujet? Écoutez, il est arrivé un jour au milieu des années 90 où l'État a dit à son service public de l'audiovisuel, à sa télé publique, si vous voulez faire des choses chères, bah vous vous débrouillez parce qu'on va quand même nous aussi faire des économies. Nous, l'État. Et certains se sont engouffrés dans la brèche. C'est l'affaire El Kabach et l'affaire des animateurs surpayés de l'audiovisuel public français. Ah, la voilà. Production externalisée, ce voilà. Grand bienfait de la télévision, hein. Des publics. Absolument.